Barcelone, 13 degrés, pluie. Bruxelles, 7 degrés, vent fort et pluie. Budapest, 5 degrés, pluie et grêle. Cannes, 11 degrés, vent fort, Mistral force 8. Dublin, 3 degrés. Patrick, mon chéri, je ne sais pas pour combien d'heures nous sommes bloqués ici. Le temps est si mauvais. Une catastrophe épouvantable a été évitée de justesse. Notre avion n'a pas pu décoller dans la tempête. Et j'ai eu tellement peur que je me rends compte aujourd'hui à quel point je t'aime. Patrick, mon chéri, irrésistiblement mes pensées reviennent vers toi. Ici, l'été est bien fini et je repense à nous. À nos vacances, à notre été, c'était merveilleux. Je suis seule, la pluie frappe mes carreaux et je nous revois. On nageait dans les vagues et tes bras me serraient dans l'eau. Je n'oublierai jamais, tu sais. Et aujourd'hui, mes souvenirs sont plus présents que jamais. Patrick, mon chéri, je t'aime. Les nuits qui s'enchaînent dans un rêve hors du temps, Patrick.